Peu après, avec son cheval, Jacques heurte violemment sa tête contre le linteau d'une porte. Jacques, disait à voix basse, il était donc écrit là-haut. À peine Jacques fut-il couché, qu'il s'endormit profondément. Son maître passait la nuit à son chevet, lui tâtant le pouls et humectant sans cesse sa compresse avec de l'eau vulnéraire. Jacques le surprit à son réveil dans cette fonction et lui dit « Que faites-vous là ?»« Je te veille. Tu es mon serviteur quand je suis malade ou bien portant. Mais je suis le tien quand tu te portes mal. » »« Je suis bien aise de savoir que vous êtes humain. Ce n'est pas trop la qualité des maîtres envers leurs valets. Comment va la tête ?»« Aussi bien que la solive contre laquelle elle a lutté. » »« Prends ce drap entre tes dents et secoue fort. Qu'as-tu senti ?»« Rien. La cruche me paraît sans fêlure. » »« Tant mieux. » Tu veux te lever, je crois. Et que voulez-vous que je fasse là? Je veux que tu te reposes. Mon avis à moi est que nous déjeunions dans l'auberge que voici et que nous partions. Le maître Jacques descend, ordonne le déjeuner, achète un cheval, remonte et trouve Jacques habillé. Ils ont déjà déjeuné et les voilà partis. Jacques reprit l'histoire de ses amours. Nous l'avions laissé, je crois, avec les chirurgiens qui proposent de le soigner moyennant 24 francs par jour tout compris.